الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله سنكمل الكتاب وسنخوض الحديث 49 بفضل الله. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, terminer le livre en prenant le 49e et 50e hadith. Une fois de l'Illah. J'étais un peu occupé, ce qui ne m'a pas permis de pouvoir réviser, de pouvoir regarder dans les autres, dans le charh de Ibn Rajab, pour ajouter ce qui a besoin d'être rajouté. Donc voilà quoi. Naam. Donc, Aoulen, al hadith, al-tasir wa arbaoun. En premier, le 49e hadith, qui lui est un hadith qui se rapporte au tawakkul. Au tawakkul, qui est le fait de s'en remettre à Allah, de passer sa confiance en lui, hein, avec sincérité dans le cœur et en prenant les causes. Hein, en prenant les causes. Naam. Qala al-imam al-Tirmidhi, rahimahu ta'ala, haddathana Ali ibn Sa'id al-Kindi. حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شريح عن بكر ابن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي التميم الجيشاني عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خباصا وتروح بطانا. Donc il dit, selon Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous placiez vraiment votre confiance en Allah comme il le doit ou comme il le mérite, vous seriez octroyé de votre substance, tout comme l'oiseau en est octroyé. Il s'en va le matin le ventre vide pour rentrer le soir avec la poche remplie. Et ce hadith, lui, est le fondement entier que en ce qui touche au tawakkul, c'est-à-dire de placer sa confiance en Allah, comme nous l'avons dit, de façon réelle, avec véracité, et comme cela va suivre, en prenant les causes. Et ces causes ne sont pas limitées à des causes et à nier, comme le travail, ce genre de choses. Le travail parmi les causes les plus connues, mais les causes de risque sont bien nombreuses. Elles ne sont pas limitées à cela. Bien que celle-ci est honorable, très honorable, le fait de travailler de ses mains, car le meilleur fruit est le fruit du travail de ses mains, comme les messagers certains, comme Daoud, qui était forgeron, Mathalène, Yahya ou Zakaria, j'ai oublié, qui était menuisier, et ainsi de suite, que les prophètes eux-mêmes ont travaillé de leurs mains. Naam. Donc il dit, Hafizallahu ta'ala, الحديث في فضيلة التوكل على الله سبحانه وتعالى وأن التوكل من أسباب الرزق وأن الله ما خلق شيئا ولم يرزقه فقد رزق الطيور فقد رزق الطيور ورزق الوحوش ورزق الثعابين والضفادع والكمال والحشرات والجن والإنس واليهود والنصارى والملاحدة وسائر الحيوانات يخرقهم ويرزقهم قال تعالى فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. Donc il dit, ce hadith vient démontrer le mérite du tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance à placer en Allah subhanahu wa ta'ala, et que le tawakkul lui-même, ce propre tawakkul lui-même, est une cause pour obtenir la subsistance. Lui-même en est une. Comme nous l'avons dit, que les causes pour que le risque parvienne ne sont pas limitées à une seule, mais les causes sont bien nombreuses. Et que Allah n'a rien créé sans qu'il lui ait octroyé son risque, parmi les choses qui se nourrissent. Il a sort octroyé les oiseaux, ainsi que les bêtes sauvages, ainsi que les serpents, ainsi que les grenouilles, ainsi que tout ce qui est poux ou puce, les insectes, les djinns, hein, les hommes, les juifs, et les chrétiens, hein, et les non-croyants, qu'on dirait non-croyants pour dire athées. Toutes sortes d'êtres vivants qu'Allah a créés, il leur a octroyé le risque. Comme il dit dans le sens, et par le Seigneur des cieux et de la terre, cela est certes aussi vrai que le fait que vous parliez. C'est-à-dire que Allah, que votre rizq, hein, est dans les cieux. Et que celui qui va vous l'attribuer, cela est aussi vrai que le fait que vous parliez. Donc il n'y a pas à douter. قوله لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير. Donc dans sa parole, que si vous placez votre confiance réellement de plein droit à Allah, il vous serait octroyé votre subsistance, tout comme l'octroyé aux oiseaux. هذا لا يتنافي مع الأخذ بالأسباب ولو أن إنسان يريد ولدا بغير زوجة أو يريد طعاما وشرابا يدخل في جوفه بغير تناول أو يريد أن يجتنب الشمس بغير ظل أو يريد تجنب الموت وهو يعترض للقتل ولصدمات السيارات ثم يقول أنا متوكل على الله هذا خطأ. Donc il dit que cela, le fait de placer sa confiance en Allah, ne s'oppose en rien avec le fait de prendre les causes, de faire les causes pour obtenir la subsistance. Que si une personne, et qu'on dit subsistance, ça peut être plein de choses. Le risque, c'est large, ce n'est pas que la nourriture. C'est aussi les enfants, c'est aussi la science, c'est aussi les bons comportements, c'est tout ce dont on a besoin. Ce n'est pas limité qu'au fait de manger. Donc il dit, par exemple, si une personne voudrait un enfant sans mariage, comment pourrait-il? Ou quelqu'un qui voudrait manger ou boire sans avaler, hein, ou sans prendre cette nourriture, comment il ferait? Ou quelqu'un qui voudrait éviter la lueur du soleil, sans ombre, comment il ferait? Sans aller à l'ombre, comment il ferait? Ou quelqu'un qui voudrait éviter la mort alors qu'il s'expose, hein, au meurtre ou aux accidents de voiture. Tu le vois prendre des risques considérables. Et par la suite, il dirait, moi, je place ma confiance en Allah. Par exemple, il prend sa voiture, il roule très vite, il ne respecte pas le code de la route, ainsi de suite. Hein, et il dit, moi, je n'ai pas peur de mourir, je place ma confiance en Allah. Ça, c'est une erreur. وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى الْاِعْتِمَادِ عَلَى السَّبَابِ شِرْكٌ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِالسَّبَابِ قَدْحٌ فِي الشَّرِيعَةِ. Donc il dit, quelle bonne parole a dit Cheikh al-Islam Taymiyyah lorsqu'il a dit que le fait de trop se reposer sur les causes en soi, cela est du shirk, et le fait de délaisser justement le fait de prendre ses causes, cela est une atteinte à la législation. Quelqu'un par exemple qui s'imagine que s'il ne fait pas telle ou telle chose, Allah ne lui donnera pas. Comme on voit les gens par exemple qui sont eux très matérialistes, qui s'imaginent que sans argent, ils ne pourront pas obtenir certaines choses. Et désespèrent. Il dit, je n'ai pas ceci, donc je ne pourrai jamais faire cela. Ou qu'il arrive à en tomber dans des choses proscrites pour obtenir cet argent, pour pouvoir accomplir ce qu'il veut faire. Hein? Donc cela peut l'amener à faire du shirk. À croire que sans les sebeb, il n'arrivera à rien. Que les sebeb sont la base de tout. Et le contraire, ceux qui ne font rien, qui disent, moi je place ma confiance en Allah et je ne fais rien. Et tout va me venir, sans que je n'ai rien à faire. Et cela c'est le contraire, c'est l'inverse, et cela est une atteinte à la législation. السبب مخلوق. Donc cette cause est créée par Allah également. فمن اعتمد عليه اعتمد على غير الله عز وجل. Donc celui qui se base sur cette cause se repose sur autre que Allah. Car comme nous l'avons dit, la cause est créée. La cause est une créature. والاعتماد يكون على الله عز وجل وترك العمل قدح في الشريعة. Donc il dit que le repos, la confiance ne doit être placé qu'en Allah. Et que le fait de délaisser ses causes, comme nous l'avons dit, est une atteinte à la législation. مُخَالِفٌ لِهَدِي الْأَنْبِيَاءِ فَمَا مِنْ نَبِيٍ إِلَّا وَعَمِلَ بِالسَّبَبِ. Donc cela également est contraire à la voix des prophètes, car il n'est pas de prophète sans qu'il n'ait pris les causes pour obtenir ce qu'il voulait. Par exemple, il est connu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a porté des vêtements pour le protéger lors des guerres, lors des combats. Il n'est pas arrivé comme ça en disant, moi je suis un prophète, rien ne m'atteindra. Il a fait les causes, il a porté le casque, il a porté des armes, et ainsi de suite. Il ne s'est pas basé sur le fait qu'il était, hein, du simple fait qu'il était un messager, et dire, moi il ne m'arrivera rien. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chevauché les mulets, les ânes, ainsi que la chamelle, la kaswa comme elle était appelée, sa chamelle blanche. Cela est connu, cela fait partie du fait de prendre les causes. Également, il s'est marié. Naam. Comme cela était la sunna des prophètes, que les prophètes sont mariés. ثم قال والناس في هذا طرفي نقيض إلا من رحم الله فمنهم من يعتمد على السبب ويشرك بالله عز وجل ومنهم من يترك العمل بالأسباب في الظاهر وهو كذاب. Donc il dit les gens sont de deux parties opposées à l'extrême dans ce sujet. Il y a ceux qui se reposent juste sur les causes, donc qui associent à Allah, et ceux qui délaissent tout. Hein, en apparent, et ceux-là sont des menteurs. مثل أولئك الصوفية الذين يتركون العمل بالأسباب كذابون فهم يعملون بالأسباب الشركية ويتركون الأسباب الشرعية ويعتقد أن العمل بالسبب مثل الدعاء هذا جاء هذا خارم للتوكل وحجتهم في ذلك أقوال موضوعة مثل عملي علمه بحالي يغني عن سؤالي وأعرضوا وأعمى الله بصائرهم عن تلك الأدلة من القرآن. Donc il dit par exemple que ces Soufia, eux, ils ont délaissé les causes légiférées pour prendre les causes associatrices, shirkiya. Comme vous le savez, qu'ils tournent autour des tombes, qu'ils invoquent les morts, et ainsi de suite. Et également, eux, ils ont pour croyance que le fait de faire les causes, comme le fait d'invoquer Allah lui-même, que cela est une chose qui affaiblit le tawakkul. Pour eux, ce n'est pas du tawakkul déjà de la sorte. Et leur argument, cela, est une parole inventée qui est que sa connaissance de ma situation, hein, fait que je me passe de lui demander. Dans le sens que le fait que Allah sait ce que j'ai en moi, connaît ma situation, donc nul besoin de lui demander. Et en faisant cela, ils se sont détournés de la voie légiférée. Et que Allah a aveuglé leur cœur. Et il les a détournés des preuves du Coran. Qu'avait ta'ala, wa Zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa antakhir warithin. Fastajabna lahu wa habana lahu yahya wa aslahna lahu zawja. Innahum kanu yusari'una fil khayrat yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Donc comme par exemple, lorsqu'il est dans le sens, et Zakariya, lorsqu'il invoqua son Seigneur en disant « Oh Seigneur, ne me laisse pas seul alors que tu es le meilleur des héritiers. » Donc nous l'avons exaucé et nous lui avons accordé Yahya. Et nous avons guéri sa femme, du fait qu'elle était âgée et qu'elle ne pouvait enfanter. Et il se précipitait dans les bonnes œuvres et nous invoquait par peur et par convoitise. Et ils étaient certes humbles devant nous. Wa min du'a Nabiyyina Ibrahim قال في قوله تعالى ربنا إني أسكنت في من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. La part d'Ibrahim, dans soit Ibrahim, lorsqu'il dit, dans le sens, ô notre Seigneur, j'ai certes installé de ma descendance dans une vallée aride auprès de ta maison sacrée, notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent sa salat, donc fait que les cœurs des gens penchent vers eux et octroie-les des fruits pour qu'ils te remercient. Donc là, on voit dans ces versets et bien d'autres qui sont multiples qui prouvent que les messagers invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala lui demandaient. Et qui sait, qui donc avait plus de tawakkul que les messagers? Personne. Donc ces soufis sont des menteurs. Non. ففير الصوفيتي فير وفير الشيعة في حيث وفير الأنبياء في حيث آخر في كثير من المسائل ومنها هذه المسألة التي يعتقد الصوفية أن الدعاء لا ينفع ولا يدور وكأنهم يردون على الله عز وجل قوله وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Donc justement ces soufis et même les shi'a, les chiites qui ont la même croyance, sont dans une vallée alors que les prophètes sont dans une autre vallée. Hein? Car eux ils n'invoquent pas alors que les messagers eux invoquaient. Et dans bien d'autres sujets également de la religion, ils sont complètement, comme on dirait, à côté de la plaque. Et tout particulièrement, ce sujet-là là, est exposé dans ce cours, car les soufis pensent que les invocations ne sont d'aucune utilité et ne nuisent en rien. C'est comme si ces soufis rejetaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce qu'il dit dans le sens, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et que ceux qui s'enflent d'orgueil face à mon adoration rentreront au feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a bien ordonné à ses serviteurs de les demander. Et eux, c'est comme s'ils disaient, non, pas besoin de demander. Naam. والتوكل على الله شأن الأنبياء والمؤمنين قال تعالى وما لنا لا نتوكل على الله فقد هدانا سبلنا ونصبرن على ما ذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Donc il dit que le tawakkul, tel est le fait de se remettre à Allah, c'est la situation et la voie des prophètes et des croyants. Dans le sens, Allah il dit, et qu'aurions-nous à ne pas nous en remettre à Allah alors qu'il nous a guidés. Nous allons certes patientez sur vos offenses, et que c'est en là que placent leur confiance les mutawakkilun. Je ne sais pas comment traduire, parce que ça fera une répétition en français. Mutawakkil, celui qui applique le tawakkul. Naam. فَأَنْبِيَا اللَّهِ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Donc les prophètes, eux, placent leur confiance en Allah. Comme il dit dans le sens, et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. فَالْتَوَكُّلُ شَرْطٌ فِي الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَلْيُحَقِّقْ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. Donc il dit que le tawakkul est une condition de la foi, comme le prouve ce verset, quand il dit si vous êtes croyant. Dans le sens, quand il dit si vous êtes croyant. Et que celui qui est croyant place sa confiance en Allah. Il réalise vraiment le tawakkul. Tandis que celui qui ne le fait pas, ce n'est pas un croyant. Wa qala ta'ala alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dans le sens où il dit, et ceux à qui les gens ont dit que certes les gens sont rassemblés pour vous, c'est-à-dire pour vous combattre, alors craignez-les, cela leur a amplifié de leur foi, et ils dirent que Allah, certes Allah nous suffit et qu'elle est bon garant. Que Allah nous suffit et qu'elle est bon garant. Wa ta'ala, Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti' al-kafirin wal munafiqin. Inna Allah kana 'aliman hakima wattabi' ma yuha ilayk min rabbik. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dans le sens où il dit: oh, toi le messager ou le prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux munafiqins, aux hypocrites. Et certes, Allah est connaisseur et sage. Et suis ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Car Allah est certes informé de ce que tu fais, de ce que vous faites plutôt. Que Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme garant. Hein? Place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme garant. Wa taqaddama hadith Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Et cela est venu dans le hadith que c'était dans le hadith d'Ibn Abbas au début du livre, lorsqu'il disait, lorsqu'il lui enseignait de dire, hein, préserve Allah, Allah te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras, hein, devant toi. Non. هذا من التوكل على الله من التوكل على الله عز وجل ولا وجوب التوكل وفضيلة التوكل فهو إيمان التوكل على الله يبحث الإيمان بالقدر قال تعالى وما كان للنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Donc cela fait partie du tawakkul, que cela est obligatoire, et cela fait partie de la foi. Hein? Le tawakkul lui-même est une chose qui amène à croire au qadar, au destin. Le tawakkul incite la personne à croire au destin, plus, comme Allah dit dans le sens, et qu'il n'est pas une âme sans qu'elle ne meure par la permission d'Allah à un temps prédestiné. Que celui qui a une chose à faire, par exemple, qui craint de mourir, il doit faire une chose. Qu'il se dise qu'il la fasse ou qu'il ne la fasse pas, son heure, elle est écrite. D'accord ? Ton heure, elle est écrite. Donc fais cette chose que tu as à faire. À part si vraiment les dangers sont devant toi imminents. Par exemple, demain, je ne sais pas, il y a une maison en incendie. On ne te dit pas rentre dedans pour aller chercher tes affaires et ressortir ta wakar Allah. Non, tu ne rentres pas dedans. La maison elle est en feu. Fais ce que tu as à faire. Comme par exemple dans le jihad. Le jihad, que tu le fasses ou pas, si jamais le jihad est devant toi et le décrété, il faut y participer. Il ne faut pas se dire je vais mourir. Que tu le fasses ou pas, si Allah décrit que tu vas mourir, tu mourras peut-être dans ton lit. À l'heure où les musulmans sont en train de combattre, toi tu seras allongé sur ton lit. Et bien ça se trouve, Allah va te faire une maladie ou quelque chose, tu mourras sur ton lit, alors que tu aurais pu avoir le mérite d'avoir à combattre l'ennemi et de mourir en martyr. Donc cela ne doit pas amener à fuir et à délaisser les obligations. Maintenant, s'il y a une chose qui n'est pas obligatoire, qui va te nuire, c'est sûr. Et on parle de la mort, on parle de plein de choses, la maladie, la pauvreté, et ainsi de suite. Plein de choses. Le tawakkul, hein, lui, augmente le courage. Et la foi au destin augmente le courage, car tu sais qu'il ne t'arrivera rien que ce que Allah t'a prédestiné, où que tu sois. Où que tu sois. Naam. At-tawakkulu 'ala Allah yabhasu al-kina'a fi al-insan. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها أو أجلها. Donc il dit cela également, le tawakkul amène à la suffisance, à se contenter de ce que l'on a. Car le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit qu'aucune âme ne mourra sans qu'elle n'ait pris tout son risque qui lui a été prédestiné et qu'elle n'ait atteint son heure. Tu ne mourras pas avant que ton heure ait été écrite, et tu ne mourras pas avant d'avoir pris tout ce qui t'a été prédestiné, comme risque. Donc pareil, cela t'emmène à quoi ? À ne pas non plus te fatiguer à courir et à faire des choses peu louables pour obtenir des biens de ce bas monde, car ce que Allah t'a écrit, tu l'auras. Mais cependant, fais les causes. Fais les causes. Tawakkul man haqqaqahu yadkhulu al-jannah bighayri hisab, kama fi hadith Ibn Abbas al-muttafaqun alayhi. Wa fihi هم الذين لا يستركون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Donc dans le fameux hadith d'Ibn Abbas, lorsqu'il dit que 70 000 rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment, et eux, quelle est la cause de cette faveur, de cette grâce? C'est du fait que, comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. Ceux qui ne croient pas en la mauvaise augure, et ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur, réellement. Naam. Très bien. Donc de là, s'arrête l'explication du Shir par rapport à ce hadith, qui lui se touche au tawakkul, et que le tawakkul, comme nous l'avons dit, est une condition de la foi. Le mu'min a forcément le tawakkul. Celui qui n'a pas de tawakkul, c'est pas un mu'min. Et le tawakkul, c'est le fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité dans son cœur et de prendre les causes. Cela se résume, bien que le tawakkul est un sujet très large. Très large. Même un sujet qui est cité dans le kitab tawhid, car le tawakkul touche au tawhid. Et pour ceux qui veulent entendre un peu plus de paroles sur le tawakkul, alhamdoulilah, il y a une muhadara sur le site qui est présente. Naam. Ensuite, بعد هذا الحديث الخمسون لسكتم حديث qui lui est lié à la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Shir Ibn Rajab a voulu clôturer ce tamimat de Arba'in Nawawi, il a voulu compléter par ce dernier hadith qui lui touche au quoi? Au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن معاوية ابن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بصر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتمسك به قال لا يزال لسانك ratban min dhikrillah. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Donc il dit, selon Abdullah ibn Busr, qu'un homme dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certes, les rites de l'islam se sont multipliés sur moi, sont accumulés sur moi. Donc informe-moi d'une chose à laquelle je puisse m'accrocher. Il lui a dit que ta langue ne cesse d'être en relation avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ta langue ne cesse d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. T'as le sens du hadith. Hein, que ta langue ne cesse d'être en rappel. Qu'elle dit, « Wa hadith Abdillah ibn Musr, hada akhir hadith il kitab, wa qad intaqa ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, adadan min l'ahadith, al-jami'a, akmala biha l'khamsin, wa samma kitabahu, jami'a, al-ulumi, wal-hikam, fi sharh, khamsin, hadithan min jawami'a, al-kalam. Wa ja'ala hada al-hadith, kal khatimati bi dhikri Allah azza wa jalla, wa kanna dhalika sa'il. » Donc il dit ce hadith de Abdullah ibn Busr est le dernier hadith du livre, comme nous l'avons dit, par lequel Ibn Rajab, après qu'Ibn Rajab ait cité un certain nombre de hadiths, qui sont 8, en vue de compléter les 40 hadiths, 42 hadiths de l'imam An-Nawawi, ce qui arrive au nombre de 50, qu'il les a tous réunis dans son livre, qui est son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, qui est le meilleur, la plus complète explication des Arba'in Nawawi en supplément de ces hadiths à lui qu'il a rajouté. C'est un gros volume. C'est un gros volume, le livre. Plein de affaires de salaf, plein de hadiths, avec plein de bouhous, il fait le tahqiq du hadith, sort ses shawahid, s'il est faible, ainsi de suite. Il est riche en fawahid. Et alhamdoulilah, cette... Donc il dit... Tayyib. Wa ka'anna zalika sa'il arada... ما جامع الخير فدله على ما يدخله الجنة وهو أنه لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. Donc il dit, c'est comme si ce questionnaire, celui qui a interrogé, qui a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voulait une chose générale le permettant de réunir le bien. Hein, un acte global qui lui permet de réunir toutes les choses de bien. Et une chose le permettant de rentrer au paradis. Donc il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que qui ne cesse d'être en rappel d'Allah. Et le rappel d'Allah est vaste, très vaste. D'accord ? C'est quelque chose de très très vaste. Car à la base, l'ibadah, l'adoration elle-même, est un rappel d'Allah. Quand tu adores Allah, tu te rappelles de lui. Dans la salat, tu te rappelles de lui. Lorsque tu fais ton siyam, tu te rappelles de lui. Lorsque tu fais ton hajj, tu te rappelles de tous les arcanes de l'islam, tu te rappelles d'Allah. Et dans les actes nawafil, tu te rappelles d'Allah. Pourquoi ? Nous avons dit au début du kitab, innamal a'malu binniya, que les actes ne valent que par l'intention. Donc quand tu mets niya pour Allah, tu te rappelles de lui, rien dans ton cœur. Donc sans compter même le rappel que tu pourrais faire par ta langue ou par tes actes. Wa hadha fi al-ikthar min dhikrillah, fa dhalika min asbab an-nasr. Donc cela démontre le fait qu'il faut multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela est parmi les causes de secours. Quand le ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Donc il dit, ô vous qui avez cru, si jamais vous rencontrez un groupe, c'est-à-dire ennemi, alors soyez fermes devant eux et rappelez-vous d'Allah énormément afin que vous réussissiez. Donc le zikr Allah, même lors des combats, est une chose qui est demandée parmi les causes justement de victoire. Ce n'est pas seulement les armes et le combat, mais même le zikr est une cause de victoire. Que Allah accorde la victoire à ses serviteurs. Donc en l'état Allah, يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Dans le sens, il dit, ô vous qui avez cru, rappelez-vous beaucoup d'Allah et exaltez-le matin et soir. وَقَالَ وَالذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا طيب وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Et que ceux et celles qui se rappellent beaucoup d'Allah, Allah leur a préparé un pardon et une grande récompense. Wa thabata anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal sabaqa al-mufarradun. Qalu wa ma al-mufarradun? Qala adhakiruna Allah kathira. Donc il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes les mufarradoun ont devancé. D'accord ? Sont devancés. Alors, je me suis demandé que sont les mufarradoun. Je ne sais pas comment traduire. Il dit que ce sont ceux qui se rappellent beaucoup d'Allah. Wa qala alaw nabbiukum bi khayli a'malikum wa askaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khayl lakum min infaq adh-dhahab wal waraq. وخير لكم من أن تلقوا طيب أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. Donc il dit, ne vous informerai-je pas de la meilleure de vos œuvres, la plus pure auprès de votre Seigneur et la plus élevée en degré, meilleure pour vous que le fait de dépenser de l'argent ou de l'or, meilleure pour vous que le fait de rencontrer votre ennemi et que vous le frappiez et qu'il vous frappe, c'est-à-dire que vous le tuez et qu'il vous tue. Il dit si au messager d'Allah, il dit le rappel d'Allah, dhikrullah. فذكر الله في القيام والقعود وفي كل حال. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Donc il dit faut s'appeler d'Allah en toute situation, hein, en étant debout, en étant assis, même allongé. Comme il dit dans le sens, subhanallah, certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans la divergence entre la nuit et le jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, ou les dotés d'intelligence. Ceux qui se rappellent d'Allah, debout, ou assis, ou allongés sur le côté, ils méditent sur la création des cieux et de la terre, en disant, ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Subhanak, sois donc exalté, on traduirait comme ça, ou Allah alam, et préserve-nous du châtiment du feu. Préserve-nous du châtiment du feu. Donc vois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était rapporté de lui par Aïcha, lorsqu'il se levait la nuit, avant de faire Qiyam al-Layl, il regardait aux cieux et restait ce verset. Il se frottait le visage. Ensuite, il faisait l'eau d'eau et faisait salat. فهنيئا لمن وفقه الله للاستكثار من ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم بخن ما اسكلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. هذا مذكور في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله تعالى من حديث أبي سلمة راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما ذكرناه هذا هنا طيب وكل ما ذكرناه هنا صحيح لا نحتاج بحمد الله إلا بما نعلم ثبوته. Donc il dit quelle bonne chose pour celui qui a été à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le succès afin de beaucoup faire enfin beaucoup de zikr, celui qui fait beaucoup de zikr. Comme dans le hadith rapporté par Abi Salma, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, touba, il y a un khilaf en fait de touba. Touba, c'est un mot, certains disent que c'est un arbre au paradis. Et d'autres disent que c'est une façon de dire, quelle bonne chose. D'accord, quelle bonne chose. Donc il dit, quelle bonne chose est la vie que nous avons appris de notre shir, c'est que le ma'ana, le sens plus authentique, ce serait le fait de dire bonne chose. Naam. Donc il dit, touba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Quelle bonne chose pour celui dont les registres contiennent beaucoup des istighfar. Quel registre? Les registres qui contiennent les actions du serviteur. Puis il dit, Bakhin, Bakhin. Bakhin, c'est un mot, c'est un isme fir qui veut une forme de félicitation pour celui qui aura réussi quelque chose. Dans les livres en français, vous les trouvez traduire par bravo, mais franchement, bravo, Nabi Salam, franchement, c'était vraiment pas sa forme d'expression orale avec ses compagnons de dire bravo, bravo. Mais bon, je sais pas comment on traduirait. En tout cas, on laisse ce terme comme il est. Bakhin, Bakhin, pour féliciter quelqu'un, lui annoncer une bonne nouvelle. Quand il dit, rien de plus lourd que celle-ci sur la balance. Et quand il dit celle-ci, il veut dire par là le fait de dire subhanallah, le fait de dire alhamdulillah, le fait de dire la ilaha illallah, et également l'enfant pieux qui décède, dont le père ou la mère patiente sur son décès et recherche la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent tout ce que nous avons cité ici est authentique, c'est-à-dire ces hadiths sont authentiques, et nous n'avons pas besoin, et l'allonge de Allah, que de citer ce don qui a été affirmé, yani par les chaînes de narration authentiques. Yani qui veut dire par là que nous n'avons d'utilité que de citer les hadiths authentiques. Ou du moins ce que lui voit comme étant authentique, car des fois il y a des khilafs sur des hadiths. Non. فحافظ أيها المسلم على أذكار دبور الصلوات وعند النوم وعند الاستيقاظ وعند الشراب وعند الطعام وعند الدخول وعند الخروج وعند الركوب والنزول وعند إتيان الرجل أهله فما من موضع في الحياة وما من ساعة أو دقيقة أو حركة إلا وفيها ذكر ولكن التقصير يحصل من الإنسان قال تعالى قل ومن يكرؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون فلو أن الإنسان أقبل على ذكر الله ما ضره الشيطان بإذن الله ولا ضره مس ولا شر بإذن الله وقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت قال ماذا قال عقرب قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق لم يدرك إن شاء الله لم تدرك إن شاء الله. Donc il dit préserve donc autour des musulmans le rappel d'Allah de faire du zikr comme après chaque salawat ou avant de dormir ou au réveil ou au moment de boire, au moment de manger, quand tu rentres de chez toi, lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu montes dans ta voiture, ou lorsque tu descends, lorsque l'homme a des rapports avec sa famille. Il n'est pas un moment dans la vie quotidienne du musulman, pas une heure, ni une minute, et ni un mouvement, sans qu'il n'y ait un rappel à faire avec. Ne serait-ce le fait de dire Bismillah, sans qu'il n'y ait un rappel. Il dit cependant, les manquements sont présents. On oublie beaucoup. Hein, on oublie beaucoup. Et Allah, dans le sens, il dit, et qui donc vous protégerait de nuit et de jour du Rahman? Mais plutôt, il se détourne de son rappel. Donc, si une personne vraiment se consacrait au zikr d'Allah, que le shaitan ne pourrait le nuire en rien. Et cela avec la permission d'Allah. Qui ne serait plus, non plus atteint de messe. Hein, le toucher du shaitan, le fait d'avoir un messe. Cela ne pourrait l'atteindre non plus. Avec la permission d'Allah. Et ni aucun mal. Bi-iznillah. Qu'un homme, parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vint et l'interrogea et lui dit « Ô messager d'Allah, j'ai été mordu, ou piqué, on va dire, cette nuit, et je n'ai pu trouver le sommeil jusqu'au matin. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Et pourquoi? Comment cela ?» Il lui dit « C'est un scorpion. » Il était piqué par un scorpion. Et il lui dit que si, au moment de l'entrée de la soirée ou de l'après-midi, tu avais dit Je recherche refuge auprès d'Allah par ces mots, ces paroles parfaites de tout mal qu'il a créé, tu n'aurais point été atteint par ce mal. Là, en fait, ça, c'est un zikr min afkar al-masa. C'est un rappel, un zikr parmi les zikrs du masa. Le fait de dire, a'ouzu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Et également, quand tu descends dans un endroit, tu prononces ce dua afin d'être préservé du mal présent dans ce lieu, ou de djinn, ou des insectes ou autres. Non. Donc de là s'achève là le tafrir des cassettes, c'est-à-dire que là tout ce livre a été retranscrit par écrit des paroles du Shir lors du Ders qu'il donnait il y a bien longtemps cela. C'est pour ça que le cours, malheureusement, le livre contient beaucoup d'erreurs, car la personne n'est pas infaillible, n'est pas parfaite, et que celui qui a tapé les cassettes a dû sûrement des fois faire des erreurs lors de la mise en page. En tout cas, on les remercie pour le juhud qu'ils ont fait. On assalam Allah an yahfazahum. Donc il dit, انتهى تفريع الشريطة بشرح الأربعين النووية وتتمت الخمسين حديثا لابن رجب مع شرحها لأبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري غفر الله له ولوالديه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc il dit là s'achève la retranscription de cette explication des أربعين النووي plus le supplément des hadiths de Ibn Rajab, expliqué par Abu Abdurrahman, Yahya ibn Ali al-Hajuri, qu'Allah lui pardonne, ainsi qu'à ses parents. Naam. Donc également, nous aussi, s'achève ici, bihamdillah, ce livre, après une quarantaine d'audio, bifadillah, فَإِذَا أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَإِذَا أَخْطَأْتُ فَمِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ نَفْسِي فَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.